Raphaël, tu as regardé le match de rugby hier soir à la télé ? C'était un très beau match. Non, j'étais en voiture. On rentrait de notre week-end dans le sud. Mais je l'ai écouté en direct à la radio. Et toi, Luc ? Moi non plus. Vous savez que je déteste le rugby. Mais tous les journaux parlent du match ce matin. Tout le monde connaît les résultats.